Bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce post-retour de Méloman. D'ailleurs, vous étiez très nombreux à l'écoute la semaine dernière. Très content de ça. On est parti pour la gloire, mes poussinots et poussinettes. Une émission explosive la semaine dernière et encore une fois cette semaine. Plein de surprises au pied carré, peut-être un petit peu plus obscur par moment. Mais bon, c'est comme ça, Méloman, il faut s'habituer. Et puis là, ben, j'ai rien d'autre à vous dire pour le moment, si ce n'est qu'on écoute un extrait d'une face A parfaite, premier long jeu pour un groupe totalement bizarre et inclassable qui fait son apparition en 1979. Et qui, pour notre grand plaisir, notre plus grand plaisir, part le bal ce soir. Et j'ai nommé les B-52s, toujours sur les ondes de CFNJ. It happened

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et c'est le seul et unique Jacques Dutronc qu'on vient d'entendre toujours à Mélomane en ce mercredi soir. Jacques Dutronc, punk avant son temps, comme toujours, avec Le Responsable de 1969, qui était précédé ici d'un One Hit Wonder quand même assez rare, thème d'un film espagnol de 1976 du nom de Cria Cuervos, et le thème en question, lui, qui s'appelait Porque te vas, pardonnez mon espagnol, évidemment, en version française ici, par contre, de cette chanteuse hispano-britannique, d'où l'accent, malheureusement un peu tombé dans l'oubli, qui se faisait appeler tout simplement Jeannette. Et juste avant ça, un autre groupe quand même pas mal plus connu, mais qu'on tend à oublier trop souvent à mon goût, le groupe Electric Light Orchestra, ou pour les intimes, ELO, avec Showdown de 1974. Un single qui leur a valu le fameux sobriquet de Son of Beatles par John Lennon en personne. Mais c'était pas péjoratif du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Au contraire, semblerait que Lennon disait ça parce que c'était une de ses chansons préférées. Mais on pourrait dire que le groupe a peut-être quand même un peu souffert de cette image quelque peu Beatlesque que les gens leur associent encore aujourd'hui. Pourtant, c'est pas faute d'avoir des arrangements sublimes et des chansons très mélodiques tout au long de leur carrière. D'ailleurs, Jeff Lynne, cofondateur et leader du groupe, c'est vraiment quelqu'un que je vous encourage à découvrir, un gars qui a fait partie d'un groupe britannique, cruellement méconnu, en fait, un groupe britannique des années 60, méconnu, du moins ici en Amérique, comme je vous dis, parce que c'est des Britanniques, un groupe excellent qui s'appelait The Move, qu'on va sûrement écouter à l'émission éventuellement, et sinon, ben en plus d'être un producteur émérite, c'est quand même un gars qui a fait partie des Traveling Wilburys, un super groupe aux côtés de Tom Petty, Roy Orbison, Bob Dylan et George Harrison. Donc, quand même une belle petite brochette. Et si on revient à notre premier bloc, ben tout ça avait commencé avec 52 Girls des B-52s, suivi de Monsieur Sinatra en personne en 1956. Dans la force de l'âge, avec It Happened in Monterey. Mais nous, on y retourne, pourquoi pas un petit détour dans les années 90, toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little touch on catwalk. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. Poor pussy. Poor pussy cat. I'm too sexy for this song. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Among the pine trees half forlorn, and there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. Boom, boom, boom, boom. All the chapel bells were ringing boom, in the little valley town, boom, and the song that they were singing boom, was for baby Jimmy boom, Brown. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal love. There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above, and there 20 years thereafter, Jimmy was to meet his love. Boom, boom, boom, boom. All the chapel bells were ringing. Boom. 'Twas a great day in his life. Boom. 'Cause the songs that they were singing boom, was for Jimmy and his boom, wife. Boom. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless, O Lord, this celebration. May their lives be filled with love. From the village, hidden deep in the valley, one rainy morning, dark and gray, a soul winged its way to heaven, Jimmy Brown had passed away. Boom, boom, boom, boom. Just a lonely bell was ringing. Oh, in the little valley town. 'Twas farewell that it was singing. Oh, to our good old Jimmy Brown. And the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation. May his soul find the salvation of thy great eternal love. Et toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, en plein mélomane avec le magnifique thème du film La Chèvre de 1981, un classique avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, dont on va connaître le remake américain aussi 10 ans plus tard, Pure Luck, ou mieux connu ici au Québec comme Danger Public, avec Martin Short et Danny Glover. Donc, un thème signé Vladimir Kosma, qui va composer une panoplie d'autres thèmes de films connus. On pense entre autres à Alexandre le Bienheureux avec Philippe Noiret, Les Compères, encore une fois avec Pierre Richard et Depardieu, ou les fameuses aventures de Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Et là, j'en passe, là, vraiment, Vladimir Kosma, ça a l'air de rien, mais c'est un nom à retenir. Fort possible que vous connaissiez pas mal de ses œuvres sans le savoir, peut-être. Mais sinon, ben, c'était précédé d'un magnifique groupe vocal des années 50 qui s'appelait The Browns avec le classique Three Bells de 1959. Qui suivait de manière tout à fait inattendue nul autre qu'Alice Cooper, le groupe et non l'individu, parce que on tend à l'oublier, mais il y a une distinction à faire. Avant l'album Welcome to My Nightmare de 1975, Alice Cooper, c'était un groupe et non pas un projet solo. Ça va le devenir par la suite, comme je dis, à partir de 75. On les a entendus ici avec Is It My Body de l'album Love It to Death de 1971. Premier album où ils vont trouver vraiment leur son d'ailleurs, parce que ça va leur prendre un petit bout à se trouver, mais ça ne les empêchera pas de laisser une marque indélébile dans l'histoire du rock. Puis le tout amorcé par j'avoue, c'était bizarre, Right Said Fred avec son classique de 91, I'm Too Sexy, qui d'ailleurs... le petit bout instrumental a des drôles de ressemblances avec Third Stone from the Sun de Jimi Hendrix. Vous réécouterez ça si vous avez une chance. La mélodie principale de la pièce d'Hendrix et le bout instrumental d'I'm Too Sexy. Vraiment très, très similaire, la mélodie. Mais là, le pire, c'est qu'on n'est pas au bout de nos peines. Vraiment, vraiment pas. On y va avec une reprise du méga hit de 1958 du groupe The Champs. Je vous laisse deviner. En fait, vous allez deviner la mélodie, c'est quoi le titre de la chanson. Mais là, on est en 1966 avec une reprise, comme je disais, avec une des plus grandes légendes de la guitare à avoir foulé le même sol que nous, mesdames et messieurs. On écoute West Montgomery au 99.1 et 88.9 CFNJ. wake up in the morning and the sun begins to shine. But did it sneak up on the night? I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I try to stand it for a while. Stop this life.

pas un rêve, car j'ai voulu sans trêve me cramponner à l'épave d'un triste mensonge d'amour. Pour t'aimer, j'ai menti. Pour t'aimer, j'ai péché. Mais tu peux l'oublier. Si je reste avec toi, mais tu peux l'oublier. Si je reste avec toi. Thank you. C'est nuageux pour les prochaines heures. 40% de probabilité d'averse sur la Naudière. Des minimums de 6 à 8 degrés. Du soleil pour jeudi, maximum de 19 à 22 degrés. Et alternance de soleil de nuages vendredi, les maximums entre 18 et 20 degrés. CFNJ Et toujours un mélomane qui s'éparpille un peu ce soir, mais toujours de la belle musique. On vient d'entendre un partenariat légendaire, celui de David Bowie et Brian Eno, les deux réunis dans la même pièce. On était en 1977 pour le premier tome de ce qu'on va appeler la trilogie berlinoise de Bowie. Après avoir connu des gros succès jusqu'à la moitié des années 70, et en plus, changer de personnage à plusieurs reprises, passant de Ziggy Stardust, le fameux extraterrestre glam rock, ensuite un genre de crooner R&B, un peu dans l'époque Young Americans avec Fame et tout ça, jusqu'à l'inquiétant Thin White Duke pour ceux qui connaissent un peu Bowie. Bref, il change de peau souvent, c'est le caméléon. Et tout à coup, encore une fois, au lieu de continuer avec une formule gagnante, il vire son capot de bord et décide de prendre le large pour l'Allemagne pour goûter au premier balbutiement de la musique électronique qui commence à prendre sérieusement de l'ampleur là-bas. On pense à toute la scène krautrock des groupes comme New ou Can ou Kraftwerk, encore plus connu. Et c'est là que Brian Eno, un des pionniers de tout ce qui s'appelle synthétiseur, Bowie va nous pondre la. Avec Brian Eno, par contre, Bowie va nous pondre la fameuse trilogie berlinoise. Trois albums, Low, Heroes et The Lodger. On a entendu Warsawa de l'album Low de 1977, qui était précédé, pourquoi pas, d'Aimer et mentir de Tony Massarelli en 1962, par contre. Oui, 62, une belle cha-cha comme il s'en fait plus, que je dédie à la grand-mère de ma douce, mais oui, comme ça, gratuitement. Un groupe plus récent aussi, Kavinsky, avec Night Call de 2010. Un bel exemple de ce qu'on va appeler la synthwave, espèce de retour à nos vieilles amours de la synthpop des années 80. Le tout précédé de Scorpions, qui, je le dirai jamais assez, ont toute une carrière dans les années 70. Ça leur a pris du temps à se rendre de l'Allemagne jusqu'à nous, mais ça les a pas empêchés de faire de l'excellente musique un bon 10 ans avant qu'on les connaisse ici, dans les alentours de 85, avec Still Loving You et compagnie. On a entendu Entrance de l'album du même nom de 1975, super rare par ici, introuvable en CD, très rare en vinyle aussi. Et voyez-vous, mine de rien, il y avait des petits liens qui unissaient notre bloc quand même, l'Allemagne, les synthétiseurs entre autres. On peut toujours trouver des liens quand on cherche un peu. Mais là, on va se faire décoiffer un peu avec un groupe qui a connu un gros succès populaire dans les années 70, mais qui a jamais été trop reconnu par le méchant establishment. Toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, on écoute Grand Funk. I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me. But I don't want no sympathy. We'll cold water running through my veins. They try and drag me back to work again. Pain and blisters on my mind and hands. I work all day making up a burlap bag. The ocean beating me, driving me wild. I feel a happy like a newborn child. Now when my time is up, you wait and see. These walls and bars won't keep that stuff. Come on up and get down with me. I make it feel real good. Just wait and see. Come on.

Umi Deodato, qu'on vient d'entendre sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9, toujours en plein mélomane. Deodato, un compositeur brésilien que vous connaissez peut-être pas, mais la mélodie, elle, je suis pas mal sûr que vous la connaissiez. On l'associe souvent au film 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, 1968, un film révolutionnaire. Mais en fait, c'est un poème symphonique de Richard Strauss, à ne pas confondre avec Johann Strauss II, ou le roi de la valse, ou en fait même peut-être son père, Johann Strauss Senior, son frère, si je ne m'abuse, Joseph Strauss. Là, on est en pleine période romantique avec Richard Strauss, avec une musique très expressive, un poème symphonique qui date de 1896 et qui s'appelle « Ainsi parlait Zarathoustra », pardon, lui-même inspiré du fameux livre du même nom de Friedrich Nietzsche, le philosophe. Et oui, je sais, ça fait bien de l'information pour une petite version groovy, funky, jazzy, comme on vient d'entendre, qui elle-même était précédée d'un autre bijou trouvé dans le coffre à trésor sans fond de Sir Paul McCartney. On l'a entendu avec son groupe Wings en 1973 avec When the Night de l'album Red Rose Speedway qui comprenait le grand hit My Love, qui suivait, pourquoi pas, Madame Renaud en personne un an plus tard avec le gros hit Des croissants de soleil, qui lui-même suivait Grand Funk Railroad en 69 avec la très musclée Inside Looking Out. Et nous, ben, on y retourne tout de suite si on veut faire le tour. 1976, Buzz Cags au 99.1 CFNJ. Gonna come back around. through the sad statues, the dirty Lord down. Got you thinking like that, boy. We'll be right back. Now you're hot on the press of the day, little queen, making your passion play, little queen. Nobody knows your melancholy mind, little queen. Away from the sellers, the paper said, now you're hot on the press of the day, little queen, making your passion play, little queen. Nobody knows your melancholy mind, little queen, yeah, little queen, yeah, little queen. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Thank you. Et c'est le grand Ennio Morricone qu'on vient d'entendre sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9, toujours à Méloman, avec Gio La Testa, un thème d'un autre fameux western spaghetti de Sergio Leone, du nom de A Fistful of Dynamite, aussi connu sous le nom de DocuSucker, ou encore Il était une fois la révolution. Décidément, il avait pas l'air trop décidé pour le titre de ce film-là, mais n'empêche que c'est un très bon film, en fait, sous-estimé, méconnu, un classique qui fait partie de la trilogie des Il était une fois. Donc, on parle de Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la révolution, et Il était une fois en Amérique avec Robert De Niro, si je ne m'abuse. Un thème de film de 1971 qui a d'ailleurs été longtemps l'indicatif d'une station de radio fort connue à l'époque de la métropole. Je vous laisse deviner laquelle. En fait, les voix laissent entendre un petit peu le nom de la station. Et sinon, on a entendu le groupe Heart avec Little Queen de l'album du même nom en 1977, précédé d'une petite rareté du groupe français Dynasty Crisis avec Faust en 1972. Et nous, eh bien, c'est déjà là-dessus qu'on se laisse, chers amis. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 20h. Et en vous souhaitant une bonne semaine, je vous laisse avec un classique du groupe Funkadelic sur les ondes du 99.1 CFNJ. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit. Thank you.